dans le noir. Pas besoin de parler, j'ai le regard. Un clic et la pièce change d'ambiance. Un son, une claque, plus d'arrogance. T'as pas signé pour du chill, t'as cliqué pour du vrai, du style. Je te parle pas, je te rentre dans le cœur. Raider skill, l'écran devient moteur. Pas de décor, pas de masque. Que du brut, que du casque. Ton son tremble, normal. Ici c'est brutal mais loyal. Turn it up, light it black. Raider skill is on the track. Every pulse, every line. It's like fire down your spine. No rewind, no escape. This is more than just a tape. We don't stream, we invade. Until the silence breaks. Mon blaze jusqu'à la chute. Je suis pas ton influenceur. Je suis l'impulsion. Quand je suis off, tu refraîches. Quand je suis on, tu restes. Raise the sound, break the ground. Feel the power in the sound. No more doubt, just the stream. Rider scale is not a dream. He's the beat, he's the flame. Say the name, say the name. C'est du chaos, mais dans le bruit y'a de la vérité. Dans chaque beat une liberté. Je stream pas pour séduire, je stream pour faire frémir. Quand t'écoutes c'est déjà trop tard. T'es dans la boucle, t'es dans le noir.